téléphone sonne, comme dit je tendance. Lors du contrôle d'identité, prendre pix pour 600 francs. J'enchaîne les chocs, okay, je veux compter le montant. Ils sont pas méchants, ils font leur cité, nous on est qui pas plantant. J'dégaine direct, ça fait. J'dégaine direct, ça fait bang. Moteur S arrivant. Sorti de gauche, j'arrive en vie. Jeune négro de la pire espèce. Fidèle au code, genre 187. C'est les bails de Chummy NIS. Un de type et Chummy Bush. J'suis pas un lèche vitrine, j'suis pas un window chop. Chop, t'es nade dans la chop. J'suis ton Perignon dans le cop. La VZN coin, y'a trop de Tirana, oui. Trop d'hommes, trop de schlacs comme Vanda. Rempli des salles comme Bernard. J'suis en détente, t'es en burn-out. J'suis en détente, en burn-out. Tu veux des seuls, mais c'est sans doute. Y'a tellement de bitches qu'on portait mon ice. Fresh au sexy, mon ice spice. Le téléphone sonne, comme les gens tendance. Lors du contrôle d'identité, prends une pix pour 600 francs. J'enchaîne les choses, okay, je veux monter le montant. Ils sont pas méchants, ils font la cité, nous on est dit pas plein temps. J'dégaine direct, ça fait. J'dégaine direct, ça fait bang. Moteur S arrivant. Sorti de toi, j'arrive en vie. Jeune négro de la pire espèce. Fidèle au code, genre 187. C'est les bails de Chummy NIS. Bails de Tiff et Chummy Bush. Qui joue les gros bonnets? Qui veut m'impressionner? Tant t'as pas capté que c'est nous on domine. Que c'est rempli de congolais mauvais. Elle a craqué, elle veut son Birkin. Petit Saint-Laurent, Saint-Laurent, mesquine. J'suis dans la plus grande suite du budget. J'mets toutes les factures sur la holding. Genre un ranch avec la society. J'ai pas besoin de LOA, de LLG. Tu me prends pour qui? Tu m'as pris pour qui? Trop de lady, l'impression d'être un PILP. Arrête de me demander c'est qui le plug. C'est moi le plug. Je gère les connexions, j'suis comme Kaga. J'ai la merde sur du building. J'm'en fais slip, slip. Le téléphone sonne, comme les gens tendance. Lors du contrôle d'identité, prends une pix pour 600 francs. J'enchaîne les choses, okay, je veux compter le montant. Ils sont pas méchants, ils font la cité, nous on est dit pas plein temps. J'dégaine direct, ça fait. J'dégaine direct, ça fait bang. Moteur S arrivant. Comme sorti de gauche, j'arrive en vie. Jeune négro de la pire espèce. Fidèle au code, genre 187. C'est les bails de Chummy NIS. Bails de Tiff et Chummy Wesh.